Chapitre 23. La Sage des Nibelungen dans les anciens chants danois. Quand les scaldes des pays scandinaves cessèrent de faire entendre leurs chants si intimement unis à l'antique mythologie, c'est-à-dire vers le XIIe siècle, la Sage héroïque ne s'effaça pas de la mémoire de la foule. Les poésies populaires conservèrent les traits principaux de la tradition primitive en les modifiant successivement d'après les influences contemporaines, et l'historien Saxo Grammaticus avoue qu'il leur a emprunté la matière de plusieurs de ses récits. Cette poésie populaire, écho à ses fidèles des anciens chants héroïques, se développa surtout du XIVe au XVIe siècle. Elle est simple, naïve, mais énergique, et elle peint bien les mœurs violentes des guerriers du Nord, dont elle retrace les hauts faits. Le récit y tient peu de place. Les personnages entrent brusquement en scène, leur langage est bref et toutes les circonstances accessoires des événements sont supprimées. Le fait principal est mis en relief sans phrases, sans transition et sans aucun de ces ornements de style que la rhétorique fournit aux poètes des époques littéraires. C'est vraiment la muse populaire dans sa naïveté encore barbare. Parmi ces anciens chants, nous avons choisi pour le traduire celui qui se rapportait directement aux événements qui font l'objet du Nibelungenlied. On remarquera que la tradition se rapproche plus de la forme qu'elle a dans l'Edda que de celle qu'elle a prise dans le poème des Nibelungen. Seulement le rôle des personnages est interverti, et Hagen a pris la place de Gunther. La brusque conclusion de ce chant, où Hagen se tue lui-même après avoir frappé Brunhilde, ne rappelle aucune des traditions anciennes de la Sage. Elle semble due à l'inspiration du rhapsode, ou à cet instinct d'équité qui pousse le peuple à vouloir la punition immédiate du traître qui a tué son ami d'une façon si odieuse. Tout ce qui se rapporte à la vengeance de l'épouse de Sigurd et à Atli paraît ignoré. La mort du héros principal, Sigurd, tué par trahison et à cause de sa bonté même, est le seul fait dont le souvenir se soit bien conservé. Sifard et Brunhild. Sifard avait un coursier qui lui obéissait en tout. Il enleva la fière Brunhild hors du Glasberg. Le Glasberg est le bourg entouré de flammes de l'Edda. Et la porta au jour brillant. Les chefs du pays de Danemark. Il enleva la fière Brunhild hors du Glasberg et la porta à la lumière du jour. Puis il la donna au héros Hagen, d'après l'usage des frères d'armes. Chez les peuples du Nord, les guerriers cédaient souvent leurs fiancées à leurs frères d'armes. Hagen prend ici la place du Gunnar de l'Edda et du Gunther des Nibelungen, mais dans les trois versions, il est le meurtrier de Sigurd. La fière Brunhild et la fière Sinhild, la Gudrun de l'Edda, la Krimhild des Nibelungen, s'en vont à la rivière, les deux jeunes femmes, pour y laver leurs vêtements. « Écoute, fière Sinhild, ma sœur chérie, comment as-tu obtenu l'anneau d'or rouge que tu portes à ton doigt ?»« Voici comment j'ai obtenu l'anneau d'or rouge que je porte à mon doigt. Sivard, le rude compagnon, mon cher fiancé, me l'a donné. Sivard, le rude compagnon, me le donna comme cadeau de fiançailles. Et il te donna, toi, au héros Hagen, suivant la coutume des frères d'armes. » Aussitôt que la fière Brunhild entendit cela, elle se retira dans la salle haute et se coucha malade de douleur. La fière Brunhild se retira dans la salle haute et se coucha malade de douleur. Et voilà le héros Hagen qui s'avance vers elle et lui demande « Dis-moi, Brunhild, belle vierge, chère fiancée, ne connais-tu rien dans le monde que tu désires avoir? Y a-t-il au monde quelque chose qui puisse te consoler? Quand cela coûterait tout mon or rouge, tu l'obtiendras. Il n'y a rien au monde qui me puisse consoler, sauf de tenir dans ma main la tête de Sivard. » « Comment pourrais-tu tenir en tes mains la tête de Sivard? Il n'y a point dans l'univers entier d'épée qui puisse le blesser. » On voit apparaître ici la tradition des Nibelungen qui fait Siegfried invulnérable. « D'épée qui puisse le blesser, il n'en existe point dans l'univers entier, sauf sa propre épée si bonne et dont je ne puis disposer. Va dans la salle haute où se tient Sivard, prie-le par son honneur de te confier son épée. Au nom de son honneur, demande-lui qu'il te confie son épée. » « Dis-lui, j'ai promis de combattre en un combat singulier pour ma bien-aimée. Et aussitôt que sa main t'aura remis la bonne épée, alors je t'en prie, par le Dieu Tout-Puissant, ne m'oublie pas. » Et voici le héros Hagen qui se couvre la tête d'une fourrure. Entrant dans la salle haute, il s'avance vers Sivard. Te voilà donc assis ici, Sivard, rude compagnon, mon cher frère d'armes. Veux-tu me prêter au nom de ton honneur ta bonne épée? Ta bonne épée, veux-tu me la prêter au nom de ton honneur? J'ai promis de me battre en combat singulier pour ma bien-aimée. Je te prête ma bonne épée qui s'appelle Adelring. L'épée Balmung dans les Nibelungen, Gram dans les Da. Jamais dans aucun combat tu ne seras vaincu si tu la portes. Mais garde-toi des pointes sanglantes qui se trouvent sous la poignée. Garde-toi des pointes sanglantes car elles sont rouges et si elles blessent la main, tu es un homme mort. Aussitôt que Hagen put saisir l'épée, il s'en servit pour tuer son frère d'armes chéri. Il prit la tête sanglante sous sa fourrure et il la porta dans la salle haute à la fière Brunhild. Maintenant, voilà la tête sanglante que tu désirais avoir. Par ta faute, j'ai tué mon bon compagnon d'armes et cela m'afflige profondément. Enlève cette tête sanglante, ne me la fais pas voir. Maintenant, je veux t'accorder ma foi pour te rendre heureux. Et moi, jamais je ne te donnerai ma foi, car je suis très malheureux. Par ta faute, j'ai tué mon bon frère d'armes, et cela m'est une grande peine. » Et le héros Hagen tira son épée, saisit la fière Brunhild et la fendit en deux. Puis il posa la bonne épée contre une pierre, et sa pointe acérée causa de la douleur au fils de roi. Il posa donc la bonne épée contre la terre noire, et la pointe acérée perça le cœur du fils de roi. Oh, c'est un grand malheur que cette vierge soit née. À cause d'elle, deux nobles fils de roi périrent, les chefs du pays de Danemark.